Bienvenue sur En profondeur, sur CKUT 90.3 FM, à ce qu'on appelle Montréal. Johnny Jojagi en Ganingaga, ou en Mohawk, si vous préférez. Et c'est pour toujours nous rappeler qu'on est en territoire occupé, Anishinaabe et Mohawk, comme vous avez pris l'habitude de m'entendre dire. Donc aujourd'hui, à l'émission En profondeur, nous allons parler de l'actualité des relations autochtones et allochtones à travers la pièce Mouliat et les productions Manwen Taken. On m'aidera à prononcer mieux quand on sera en onde. Alors, présenté au Théâtre Denise Pelletier jusqu'au 20 février. Cette entrevue sera avec Charles Bender, acteur Huron Wendat, et Natacha Canepé-Fontaine, poète, slameuse et actrice inoue, membre de ses productions. Alors, bonjour. Bienvenue. Quoi, Christian? Quoi? Et puis, Natacha. Oui. Je suis content que tu soulignes qu'on est en territoire non occupé à Anishinaabe et à Ganyangehaga, mais je t'avoue que pour ajouter un petit grain de sel à ça, on a fait un événement de lancement pour la compagnie Menwentagwan il n'y a pas tellement longtemps. J'avais le grand chef Conrad Sioui qui était venu faire un tour à la première et j'en ai profité pour dire que les gens qui avaient établi Hochelaga sont reconnus comme étant les Iroquois du Saint-Laurent, ce qui inclut beaucoup de monde, dont possiblement entre autres les Hurons Wendat. Alors j'ai accueilli les gens chez nous. Quand on a fait cet événement de lancement-là. Un complément d'information toujours très intéressant. Et c'est un débat à non plus finir. Oui. Qui dure depuis des lustres. Okay, et qui durera probablement encore des lustres. Mais merci pour cet ajout d'information. Alors, vous avez fondé cette compagnie, mais tout d'abord, avant de fonder cette compagnie, vous avez des longues trajectoires tous les deux. J'aimerais ça que vous me parliez de vous. C'est le fun, une belle introduction large comme ça. Pour faire un petit résumé rapide, moi je suis ma famille vient du village Huron de Wendake et puis ma mère avait perdu son statut quand elle est allée étudier à l'extérieur puis qu'elle a marié mon père qui était non autochtone en 85, elle a récupéré son statut à cause du paragraphe C32. C'est toujours bien de rappeler aux gens. Oui, rappeler bon le changement de la loi sur les Indiens en 1985 qui a fait en sorte qu'il y avait maintenant une nouvelle catégorie d'Autochtones qui s'appelait les 6-2, donc je fais partie des 6-2. Donc, en quelque sorte, je suis un Autochtone exilé, mais en même temps qui était très confortable dans la culture québécoise générale jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un me dise « ben tu vas avoir une carte à partir de maintenant, tu peux faire ce que tu veux avec » et je me suis rendu compte que c'était pas un privilège, c'était une responsabilité. Alors, juste pour donner un petit début d'information, je vais passer le micro à Natacha, on reviendra à ça après. Oui, pour ma part, j'ai commencé la poésie en 2011, puis ensuite le slam. Fait que c'est ça qui m'a amenée à Montréal, finalement, à partir de 2012. Puis c'est comme ça que j'ai pu rencontrer enfin la communauté autochtone de Montréal par la suite, puis avoir plusieurs collaborations qui m'ont menée jusqu'à aujourd'hui à faire partie de la troupe Menwentagwan ici à Montréal, puis qu'on présente même la pièce Mouliat au Théâtre Denise Pelletier ces jours-ci, du 2 au 20 février. Pour ma part, je dirais que c'est beaucoup une quête identitaire qui m'a menée à voyager au travers du Québec puis à faire différentes études, surtout en arts visuels. Et ce qui m'a amenée à Montréal, en fait, c'est beaucoup ma recherche identitaire qui était devenue ma démarche artistique, justement. Puis jusqu'ici, j'ai écrit des recueils de poésie, toujours dans cette démarche identitaire. Puis ensuite, j'ai fait plusieurs activités. J'ai fait plusieurs soirées de slam, plusieurs événements par la suite. Et j'ai pris part beaucoup à des interventions publiques, justement, au travers... quand il y a eu des moments comme la Commission de vérité et réconciliation, par exemple, ou le mouvement Idle No More, si on retourne plus loin dans le passé, et prendre part aux manifestations publiques, justement, en faisant du slam, en faisant de la poésie dans le milieu politique, je veux dire, dans les milieux militants. Puis c'est ça qui m'a forgé comme personne. Puis justement, c'est cette même recherche identitaire, démarche artistique qui m'a menée au sein de la troupe Menwentagwan avec Marco Collin, Xavier Huard, Christophe Payard, Charles Bender et ceux qui sont derrière la conception des décors ou la coordination des projets de la troupe. Et justement, c'est ce besoin d'unir des gens qui s'ignorent, qui ne se comprennent pas, alors que il me semble que normalement, si tout aurait été bon à bon train dans les dernières décennies, on n'aurait pas été dans cette situation-là entre peuples dans nos relations. Et justement, le mandat que je me suis donné en poésie ou en politique, puis en littérature, etc., en milieu public, c'est justement de lier ceux qui qui s'entre-déchirent, qui s'entre-choquent. Et avec Mouliat, c'est exactement ce qu'on veut faire, en apportant un propos, puis de nouvelles pistes de réflexion, qu'on n'a pas eu la chance d'avancer dans les dernières actualités, justement, entourant les femmes autochtones abusées de Val-d'Or, etc., etc. Vous pouvez parler du titre de la compagnie et du pourquoi de ce titre? Ah oui, ben le nom de la compagnie, c'est Menwentagwan, qui est un mot Innu qui nous a été proposé par Marco Collin, qui est lui-même Innu. Menwentagwan, ça veut dire... c'est un terme qui englobe une réalité, si on veut. Ça veut dire... puis tu me corrigeras si jamais tu as une autre interprétation là-dessus, parce que quand même, étant Innu, c'est toi qui es la plus proche de cette langue-là. Mais ce qu'on a adopté comme signification, c'est que ça veut dire s'asseoir ensemble, prendre le thé, prendre le temps de se connaître, puis prendre le temps de parler, de se dire les vraies affaires, dans le plaisir et dans l'amitié. Et puis, c'est exactement ce qu'on propose aux gens de faire, notre spectacle, notre premier spectacle, la première création de la compagnie, même si en collectif, il y avait déjà fait quelques créations avant. La première création de la compagnie se veut quelque chose de coup de poing quand même. Jusqu'à un certain point, on essaie de brasser une couple d'idées préconçues. On essaie de jeter quelques pierres dans la mare, si on veut, faire bercer le canot un peu pour déstabiliser les gens. Mais en même temps, on essaie de beaucoup faire rire les gens puis de les mettre face à des incongruités absolue par rapport aux perspectives qu'on a, par rapport l'un à l'autre, autant les Autochtones par rapport aux Québécois que les Québécois ou les Canadiens, les non-Autochtones par rapport aux Autochtones. Et puis, on se ramasse à la fin de la pièce avec une relation dont les pièces sont brisées, les pièces sont étalées un peu partout à la vue de tous. Et puis là, on rassemble tout le monde, on fait Menwentagwan, on sort du thé, on sert du thé à tout le monde et on fait comme, on en profite-tu pour se parler tant qu'à être ici? Et puis, c'est exactement le mandat de la compagnie Menwentagwan. C'est quelque chose qu'on espère pouvoir recréer, pas seulement avec le spectacle Mouliat, ce qu'on fait en ce moment, mais avec des spectacles futurs ou avec des interventions futures. Ça raconte l'histoire de Shanice ou Charles, qui en fait, toi, oui. C'est pas toi, là, mais c'est ton personnage, mais qui porte ton nom, oui. Que tu portes dans la vraie vie, oui. Qui arrive à Montréal à partir de Mastoyage, qui est Innu, donc de cette communauté, de ce qu'on appelle le Lac Saint-Jean ou du Pequot-Kami. Mais il arrive à Montréal, donc, et qui rencontre Christophe, qui est son nouveau coloc, colocateur. Puis là, il y a, comme tu dis, il y a toute une confrontation entre les deux personnages, mais qui illustre beaucoup de confrontations qui existent au-delà, évidemment, de ces deux personnages, pour ça que ces deux personnages-là existent, d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler des choses particulières qui sont confrontées dans cette pièce, mais aussi en général? Je dirais ce qui est intéressant avec je me concentrerai sur le personnage de Christophe qui est joué par Christophe Payard, qui est vraiment un excellent comédien. C'est tellement un plaisir de l'avoir avec nous puis d'avoir un acteur de ce calibre là pour défendre un personnage comme Christophe, qui est un personnage qui est un jeune Québécois qui est curieux, peut-être un peu naïf, qui est pas stupide mais qui est ignorant par rapport à la situation des Autochtones. Il en sait ce qu'il a vu dans les médias, il en sait de peut-être un ou deux documentaires qu'il aurait probablement vu, mais sinon, il est à peu près ignorant, il est à peu près aveugle par rapport à cette situation-là, mais il est très, très intéressé et très curieux. Et son colocataire, le Shanice, lui, il vient de quitter sa communauté parce qu'il a décidé de débarquer. Il a été en conflit avec son frère, qui est beaucoup plus traditionnaliste que lui. Il y a eu un conflit de ce côté-là qui l'a forcé à quitter la réserve, à aller s'installer à Montréal. Puis une fois arrivé à Montréal, il prend la décision, moi, ça me tente plus d'être indien, ça me tente plus de défendre ça, ça me tente plus de défendre cette identité-là, c'est trop lourd à porter. Et puis, bien qu'il va accepter la conversation au début, éventuellement, on va faire comme non, ça me tente plus d'en parler. Non, tente-moi plus avec ça. Là. De toute façon, je sais, à la base, tu vas être bourré de clichés quand tu vas m'en parler, fait que ça me tente pas d'en parler. Et puis, le conflit vient de là, en fait. Ça vient même pas du fait que Christophe est raciste ou et veut pas comprendre. En fait, lui, il est extrêmement curieux, extrêmement ouvert. C'est l'autre. C'est le personnage de Shanice qui décide de se fermer à ça, qui fait comme je suis plus capable, j'en ai trop vécu, puis ça me tente plus d'être fin, puis ça me tente plus d'expliquer. Fait qu'on a ce petit twist-là dans le spectacle qui vient, mais en même temps, on aborde on aborde le racisme de sa manière la plus classique aussi. On a la chance d'avoir Natacha qui nous fait la performance d'un personnage absolument extraordinaire. Je veux pas en dire plus parce qu'on veut pas vendre de punch, mais elle nous fait un personnage... On peut laisser Natacha parler de son personnage. J'allais lui passer justement la parole pour qu'elle nous décrive un petit peu à la fois le personnage de Raphaël et à la fois le personnage plus englobant que... Le rôle plus englobant sens qu'elle tient tout au long de la pièce. Je vais quand même garder le punch. Oui. Puis, mais pour parler du rôle que j'incarne dans la pièce, en fait, je pense qu'on on a voulu profiter de l'événement, du lancement de la troupe et du lancement de la pièce, l'écriture d'une nouvelle pièce de théâtre, justement, autochtone et québécoise, pour présenter la femme autochtone dans toute sa valeur, dans toute la valeur qu'on lui donnait traditionnellement dans les communautés autochtones avant la colonisation et avant que les sociétés matriarcales ou matrilinéaires ne soient bousculées par la société patriarcale qui est venue par la suite. C'est mon but, en fait, c'est de redonner l'identité de femme à la femme autochtone, mais à toutes les femmes aussi. Donc, c'est pas juste pour les femmes autochtones, mais c'est relever la femme autochtone du plus bas de l'échelle sociale où elle a fini par se retrouver dans les dernières décennies, dans les derniers siècles, et de la faire remonter complètement jusqu'en haut, au moins avec toute la lumière qu'elle peut contenir, en fait, parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup de lumière, ou j'aspire à la lumière dans le sens d'avoir les idées claires et de savoir exactement qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas dans la vie, de savoir exactement qui je suis. Moi, pour moi, c'est ça la lumière dont je parle. Et donc de contenir le plus de lumière possible et d'arriver à briller au travers des sociétés, au travers des philosophies, au travers des... Donc l'idée aussi de la femme autochtone qui vibre avec le territoire, qui devient une avec le territoire ancestral, et c'est pour ça que j'ai nommé mon personnage femme territoire dans un rôle qui n'est pas un rôle, qui est plutôt une présence dans la pièce, qui a quand même des interactions avec les personnages, mais qui tout de même une interaction onirique, je veux dire, parce que jusque-là, elle a pas beaucoup de contact physique ou réel avec Christophe, par exemple, ou Charles dans la pièce, parce qu'elle entoure beaucoup Charles de sa bienveillance dans je dirais quand... Moi, dans mon rôle, quand je regarde Charles se perdre dans la ville, se perdre dans ses conversations avec Christophe, par exemple, dans sa recherche identitaire, mais je sens que j'ai envie de lui rappeler d'où il vient, mais qu'il ne faut absolument pas qu'il oublie d'où il vient pour qu'il sache où il doit aller en tant qu'autochtone dans la métropole, justement, dans la société dominante. Donc, la femme territoire qui revient comme une mère, une sœur, qui est aussi la culture et la conscience ancestrale, la mémoire qui ne veut pas se faire oublier. Parce que j'ai l'impression, moi-même, dans ma démarche artistique depuis des années, que c'est la mémoire qui me court après. Puis à un moment donné, c'est la peur d'oublier qui me court après, mais qui me tenaille d'année en année. Puis je trouve ça fou comme ça ne me lâche pas. Et justement, par l'entremise du théâtre, c'est d'avoir enfin l'occasion de pouvoir le transmettre à le plus de gens possible, justement. Et donc, être ensemble... profiter du fait que je sois la seule femme aussi de la troupe, mais être ensemble pour que chacun valorise la femme autochtone et que je puisse enfin montrer l'exemple de ce que c'est qu'une femme autochtone et de ce que toutes les femmes autochtones fortes que j'ai rencontrées dans ma vie, dans les dernières années, m'ont donné aussi. Mais c'est de redonner toute cette énergie-là, toute cette empowerment, comme on dit, à tout le public, à toute la société, finalement. Donc, la femme territoire est une présence, mais c'est le territoire ancestral, c'est le territoire du pays même qui veut revenir à la mémoire des gens qui l'habitent. Merci pour la réponse. Je suis un peu ému, alors je prends le micro plus difficilement, mais enfin, on doit se donner le droit d'être ému à la radio comme ailleurs. Je vais poser une question qui vous apparaîtra sans doute trop large, mais que vous répondrez comme vous voudrez. C'est où on en est en tant qu'allochtones et autochtones dans nos rapports en 2005, selon vous? Ah, c'est une question hyper intéressante, effectivement. Elle est très, très large. Et puis, bon Dieu, c'est difficile de tenter une réponse parce que là est le malaise jusqu'à un certain point. On est ici au Québec, on est avec une société dont la majorité trouve ses racines dans les premiers colons français qui va chercher beaucoup de son héritage dans la culture franco-européenne. Et il y a le je dirais que ça a été élevé en mythologie. Il y a le mythe de la bonne relation entre Français et Autochtones qui devrait être un élément qui définit le Québec et qui définit l'identité québécoise et qui justifie une fois de plus le fait que le Québec devrait être indépendant ou devrait être un pays en soi. Et puis, parfois, j'arrive à un certain malaise de ce côté-là parce que je vois du côté du Canada que, bien que la relation ne soit pas parfaite, je dirais que dans les médias, dans le domaine des arts, je dirais même dans le domaine politique, dans les universités, la présence des autorités. J'ai participé du Conseil québécois du théâtre récemment et puis on a dû soulever la situation, je dirais, alarmante de la diversité culturelle sur nos scènes et dans nos médias. On accuse malheureusement un retard certain par rapport au Canada anglais et ça, si c'est pas une cause d'alarme, c'est pas une cause d'injure pour mes compatriotes québécois, il y a un problème. Il y a vraiment un retard qui est accusé ici et ceux qui se ferment les yeux là-dessus en se disant non, dans notre mythologie fondatrice, on a une très très bonne relation avec les Autochtones, point final, ben on a un problème. On n'avancera pas tant si longtemps qu'on n'aura pas déboulonné ce mythe-là, on n'avancera pas et on va continuer à se dire ben fonçons vers un pays libre et ne nous posons pas de questions parce qu'on est convaincus dans notre mythologie que tout va bien. Tout ne va pas bien. Il faut absolument refaire les bases de cette relation-là. Elle est à refaire. Elle est tout à fait incomplète en ce moment. Alors, je dirais que c'est ici au Québec, c'est là qu'on en est en ce moment. Et il y a l'enjeu supplémentaire, parce qu'il faut le souligner, il y a l'enjeu supplémentaire de la crise identitaire québécoise, à l'intérieur du Canada et à l'intérieur de la masse anglophone qui nous entoure. Et puis, bon, que ça soit du côté de l'Amérique ou que ça soit sous la couronne à cause du, sous Ottawa, il y a ce malaise-là qui rend l'enjeu encore plus fort, encore plus important, selon moi. Natacha Canapé-Fontaine. Dans nos relations? Tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Moi, je dirais que c'est exactement l'état des lieux, mais on peut même constater aussi, dépendamment des milieux dans lesquels on travaille, que des fois, les points de vue sont différents. Et des fois, moi en fait, c'est quand j'ai... au moment en avril dernier, en avril 2015, quand j'ai diffusé une lettre sur les réseaux sociaux à propos de l'émission dont les concepteurs souhaitaient l'intituler Powwow, j'avais assez confiance en moi pour être capable de diffuser une lettre comme celle-là, une lettre ouverte au public sur les réseaux sociaux. Mais ensuite, quand j'ai constaté les commentaires, quand j'ai constaté les réactions, quand j'ai vu aussi les commentaires de d'autres chroniqueurs dans différents journaux au Québec, tu sais, c'est là que je suis tombée de haut dans le sens que je pense, on était beaucoup plus loin en arrière que je l'imaginais, alors que moi, dans les milieux que je fréquente, ça fait quelques années que je suis à l'intérieur de ces réseaux-là. Et justement, pour moi-même, j'ai déjà pris ma place dans ces milieux-là. J'ai déjà voulu représenter, tu sais, justement, les Premières Nations, mener une présence autochtone dans ces milieux-là. Et quand j'ai vu que finalement, au niveau sociétal, c'était très différent de ce que j'avais comme expérience de jour en jour, j'ai vraiment pris le pouls de la chose, vraiment. Puis à l'époque aussi, mais ensuite, il y a eu la commission de vérité et réconciliation. En fait, j'ai trouvé que les événements dans la dernière année se sont enchaînés vraiment d'une belle manière parce que ensuite, il y a eu tous les débats autour de Powwow et du mot Powwow, mais autour, je trouve qu'il manquait de débats autour du sacré, autour du sens des mots, autour de la valeur des choses, la valeur de la culture, des cultures autochtones et toutes sortes de cultures. Puis ensuite, on a vu, qu'est-ce qu'on avait vu après la commission de vérité et réconciliation? Mais plusieurs articles sortir par la suite là-dessus. Puis ensuite, c'est revenu dans les actualités avec les révélations des femmes autochtones de Val-d'Or qui ont voulu parler, mettre au grand jour justement ce qu'elles vivaient dans leur région. Puis c'est des choses qui ont été mises en lumière, mais c'est pas pour rien parce que c'est des choses qui arrivent encore. C'est que quand les femmes autochtones ont fait leur révélation, c'est rappelé qu'il y avait encore des sévices comme ça qui se font dans toute la longueur du pays, dans toute la, je veux dire, à la largeur du pays. Et mais tant que nous on puisse agir à notre manière, par les idées, par les différentes communications, les arts de la scène, les arts visuels, je pense que moi je connais beaucoup de personnes qui avancent très vite quand même dans l'avancement de ces réflexions là. Puis justement, moi j'ai beaucoup d'espoir quand même malgré tout. Puis mais par rapport à nos relations, je pense que les choses avancent très très lentement, mais à coup sûr. En espérant aussi qu'il n'y a pas que je sais pas comment dire ça. Parce que c'était peurant aussi l'espèce de, je sais pas comment expliquer. C'est ce qu'il y a dans les médias, les personnes qui écrivent pour dire le contraire, pour faire régresser la pensée, pour faire régresser les réflexions, pour faire régresser les débats. Justement, c'est comme si tout d'un coup on arrivait à contre-courant. Mais c'est dommage aussi qu'une société en soit rendue là, de chercher absolument à parler que pour parler, au lieu de vouloir faire avancer les idées, faire avancer la société, faire avancer les relations entre les peuples, justement issus de la colonisation de l'Amérique du Nord. Donc c'est, mais j'ai confiance quand même, parce que on commence à ressentir les conséquences positives de notre travail, justement de la création de notre nouvelle troupe de théâtre, et de des conséquences de l'impact de Mouliat aussi sur le public. Et donc on se rassure, mais il y a encore beaucoup d'éducation populaire à faire. Je voulais quelque chose, mais avant, j'aimerais que vous redonniez les coordonnées de la pièce pour aller la voir, tout ça. C'est au Théâtre d'Alain Spelletier, ça s'appelle Mouliat. Les prochaines dates de 43 Sainte-Catherine-Est. Les prochaines dates de prestation de la pièce. Oui, en fait, c'est les mardis, mercredis et jeudis à 7h30, le vendredi à 8h30 et le samedi à 16h30, donc à 4h30 de l'après-midi. Et puis, c'est ça, c'est à la salle Fred Barry du Théâtre Denis Pelletier. Et puis, j'ai pas le numéro de la billetterie avec moi, par exemple. T'as l'air de te souvenir de tout par cœur. Si vous cherchez Théâtre Denis Pelletier sur Internet, on peut chercher Denis Pelletier, c'est très, le numéro de téléphone, l'adresse, etc. Et pour plus d'informations, on a aussi notre page Facebook, Production Menwen Tagwan, qui est très, très, très facile à trouver. Et puis, c'est sûr qu'on aimerait beaucoup avoir une belle grande liste d'amis qui viennent se joindre à notre page Facebook. On est bien contents. On a énormément de trafic sur notre page. On ajoute des choses à tous les jours. Donc, on essaie de trouver ça, de rendre ça intéressant, ludique, amusant et plein d'informations pertinentes. Donc, jusqu'au 20 février à la salle Fred Barry, Théâtre Denis Pelletier. Je vais juste lire, parce que ça me paraissait vraiment important à lire en onde. Et c'est un extrait du cahier du Théâtre Denis Pelletier. C'est en fait le passage écrit par Yves Sioui-Durand, qui dit, qui est réalisateur, metteur en scène, co-directeur artistique de la compagnie Odinok. Lorsque les Québécois prennent la parole à la place des Autochtones, on ne parle que de réconciliation et de rapprochement. Que ce soit dans le film récent L'Empreinte, où Roy Dupuis assumait le premier rôle en confirmant l'héritage reçu des cultures autochtones, ou encore par la voix radio-canadienne de Serge Bouchard, avec ses remarquables oubliés, ces Autochtones sont « les bons Indiens », entre guillemets. Les conciliants, eux, on peut les comprendre. Par contre, lorsque nous, qui habitons la différence, nous prenons la parole, c'est le plus souvent parce qu'il y a de la souffrance, de la laideur, du drame, et notre parole est alors difficile à accepter. C'est encore ça aujourd'hui. Songez au cas des femmes autochtones de Val-d'Or, ces femmes diminuées, malsaines, qui ont osé dénoncer l'inadmissible. Si la réconciliation demeure du côté de la morale, la vérité est plus dure, plus crue, et elle est du côté de la réalité. À peu plus de 30 ans de théâtre amérindien à Montréal, j'ai été un témoin privilégié de cette invisibilité de notre présence réelle. Au théâtre, on se demande toujours « qui parle ?» À Fred Barry, une nouvelle génération d'acteurs auteurs autochtones et québécois tente de contrer l'ignorance, terreau d'indifférence et du mépris. Il faut cependant demeurer vigilant. Notre vraie voix doit être présente ici à Mouliat, c'est-à-dire Montréal. J'aimerais ça que vous réagissiez à ce que je viens de dire. En fait. Ben, il a tout à fait raison. En fait, c'est tellement facile de passer la parole à des non-autochtones. Les non-autochtones en général adorent entendre parler des Premières Nations, mais de la bouche de d'autres non-autochtones qui sont... Serge Bouchard, c'est un ami des Autochtones. Il n'y a pas de doute à y avoir. Il n'y a pas vraiment de Premières Nations que je connaisse, de demande des Premières Nations d'Autochtones qui n'aiment pas Serge Bouchard. C'est un homme éminemment sympathique. Mais c'est vrai que c'est frustrant à un moment donné de penser que on va écouter Serge Bouchard, mais on pensera pas à écouter les paroles de Georges Siwi. On s'arrêtera pas à tout le corpus de travail de Georges Siwi, qui lui aussi est un anthropologue qui a décidé de partir sa démarche à partir de la culture Huron-Wendat et de l'étendre aux autres Premières Nations, qui est un gars qui est extrêmement reconnu dans son milieu, et lui, on lui offre pas de micro à Radio-Canada. Ça enlève rien à Serge Bouchard, parce qu'il le fait très très bien. J'ai suivi des cours avec... J'ai entendu son cours sur les Premières Nations, et c'est absolument magnifique. Il brise des mythes d'une manière, d'un doigté extraordinaire. Mais pourquoi Serge Bouchard a un micro à Radio-Canada et pas Georges Siwi? Peut-être qu'ils lui ont proposé puis qu'il l'a refusé. Ça, j'avoue que je le sais pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se répète souvent. Notre compagnie, en ce moment, on a décidé qu'on allait faire une compagnie mixte. On a été très conciliants de ce côté-là parce qu'on a décidé, on a un ami, Xavier Huard, qui est un ami des Premières Nations. Il est adopté dans la Nation à Anishinaabeg. Il y a énormément d'amis chez les Innus aussi. Et il connaît bien la culture. En fait, je dirais même, il parle mieux Innu que moi. Il parle clairement mieux Innu que moi. Il l'a appris avec plus de il était plus dédié à l'apprendre. Moi, il faudrait que j'apprenne le Wendat. Puis, en tout cas, ça, c'est une autre longue histoire. On fera une autre entrevue là-dessus. Avec plaisir. Mais oui, effectivement, on le sent constamment qu'il faut qu'on ait la caution de non-autochtones pour que notre voix soit entendue. Encore une fois, on a souvent l'impression que c'est comme « Ah oui, t'es autochtone, ok, on va te permettre de prendre la parole, mais il va falloir qu'on te coach avant pour le faire comme il faut, pour que ça soit propre, puis que ça soit selon ce que nous autres, on a envie d'entendre. » Et ça peut être très, très, très malaisant. Et ça, malheureusement, je l'ai vécu souvent, ce malaise-là. Ce côté-là de « On aimerait ça que t'en parles, mais on aimerait mieux que t'en parles de même plutôt que comme ça, ou que tu dises des choses sur ce sujet-là, mais que t'abordes pas ce sujet-là. » Et le malaise, il est encore là. Malgré toute la bonne volonté des gens, il y a toujours l'espèce d'étape qu'il faut que tu traverses. Il y a toujours l'espèce de petit baptême de feu de « Oui, on va te laisser la place, mais il faudrait que tu le fasses avec la caution d'un blanc, s'il te plaît. » C'est énorme ce que je viens de dire. C'est beaucoup plus que ce que c'est en réalité. Il y a des belles relations qui se créent à travers ça. Mais il y a souvent ce petit élément-là qui vient se placer là. Et il y a ce petit grain de sable-là qui vient souvent se placer dans la relation. Et ça prend énormément de résilience et ça prend énormément de patience pour pas que ça devienne un irritant constant qui nous fait exploser. Et après 30 ans, je peux comprendre que certaines personnes finissent par perdre patience avec ce petit grain de sable-là qui vient se placer constamment dans leur relation. Ouais, mais justement, en entendant ce que tu lisais, je voulais justement parler du traitement médiatique aussi, qui est un peu aussi, qui est une forme de problématique dans ces relations-là, comme dit Charles, mais dans l'engrenage aussi, c'est ce petit grain de sable dans l'engrenage. C'est quand les médias, même sans vouloir, même inconsciemment, perpétuent quand même des idées ou des clichés, des stéréotypes de façon la plus subtile. Nous, on va le ressentir quand même. Mais après, il faut expliquer pourquoi on se sent comme ça, pourquoi on est mal à l'aise. Puis ensuite, c'est tenter d'expliquer. C'est ce qu'on fait avec Mouliat, en fait. C'est ce qu'on a décidé d'établir avec Mouliat. C'est justement d'expliquer des nuances et de faire comprendre d'une autre manière que par la parole, justement par le biais du théâtre, de ces nuances-là que nous, on ressent au quotidien, justement, en tant qu'Autochtones dans la société dominante. Mais justement, on doit prendre le temps, mais ça dépend de la réception des personnes justement qui ont soit en leur pouvoir les médias, soit en leur pouvoir justement des réseaux de diffusion. Puis ça dépend des médias, ça dépend des réseaux, donc ça dépend toujours. Mais dans les grands médias de masse, c'est toujours difficile. Même la représentation des minorités visibles est encore difficile à admettre de leur part, mais à replacer aussi de la part des minorités visibles à cause d'une certaine forme de façon de penser l'autre qui est encore biaisée, qui est encore erronée. Et donc, Mais moi, je vais... Mais justement, même après 30 ans, on a pas terminé de s'affirmer, de se réaffirmer, même de se réapproprier des éléments culturels ou des éléments philosophiques, des éléments de nos façons de fonctionner en société, nos façons de penser la société. Mais c'est ce que je souhaite, moi, dans mon travail, justement, puis par la prise de parole, amener d'autres personnes à le faire, à prouver que c'est possible d'amener notre manière de penser dans la société et de même d'engager les gens à laisser la place à nos formes de fonctionner, à nos formes de penser la société. Non, mais ça prend beaucoup de patience. Ça prend beaucoup de patience. Mais justement, la déclaration de Yves, il a raison. Mais il y a d'autres personnes aussi qui viennent derrière et qui sont prêts à prendre la relève. J'ai déjà décidé de prendre la relève justement puis de continuer à aller plus loin. À un moment donné, c'est ça. Peut-être moi-même, je vais perdre patience puis justement, je vais avoir d'autres jeunes qui vont être prêts, qui vont être frais, qui auront vu tout le chemin que leurs prédécesseurs auront fait et n'auront qu'à continuer la trail après ça. Donc moi j'ai vraiment confiance. Puis justement notre jeunesse est beaucoup moins chargée de blessures. Yves fait partie d'une autre il y a 30 ans, c'était une autre génération. C'est des gens beaucoup plus proches de l'époque des pensionnats, c'était des gens qui venaient de vivre ce choc là de la séparation drastique d'avec la culture traditionnelle parce qu'on les a on a arraché les enfants des communautés puis on les a placés dans des écoles qui ne leur ressemblaient pas. Donc puis c'est normal qu'il y ait encore une forme de à notre époque qui a beaucoup de gens qui ressentent encore un mal-être parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans la société parce qu'ils même si des fois il faut simplement leur dire que c'est normal qu'ils ne soient pas à l'aise dans la société parce qu'ils ne sont pas faits pour cette société-là. Moi j'ai réussi à m'adapter avec le temps mais ça m'a pris j'ai passé par beaucoup de difficultés. Mais je vais rester quand même émancipée de cette société en pensant comme je pense, puis en pensant de la même manière que mes ancêtres, mes prédécesseurs pensaient. Donc, quand je parle de philosophie traditionnelle, c'est la manière de penser la société, la politique, les relations publiques, etc., etc., même la façon de d'aller à l'offensive, d'aller militer, d'aller sur les lieux pour aller défendre les territoires, par exemple. C'est ma manière de penser. C'est de préserver l'environnement, donc je vais pas l'imposer. je vais la mettre en valeur parce que je suis convaincue de ce que je ressens à l'intérieur de moi. Donc c'est des je sais pas, je m'en allais avec ça, mais parce que je t'ai rendu dans les territoires, je t'ai rendu loin. Mais justement, il faut savoir valoriser nos cultures, nos philosophies, notre héritage. Et c'est comme ça qu'on va passer d'une affirmation, d'une simple affirmation, à une réaffirmation et à une réappropriation culturelle. Miigwech, Temiche Kemiten. Tiawang. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, mais vous êtes bienvenus à n'importe quand. Merci beaucoup, Christian. Au plaisir. Tiawang. Alors, vous entendiez Natacha Canepé-Fontaine et Charles Bender, tous les deux de la pièce Mouliat.